Bonjour à tous, chers amis de la culture francophone. Je m'appelle Amaury. Et moi, c'est Christella. Salut Christella. Salut Amaury. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon de niveau média avancé où nous pouvons le dire, nous allons présenter un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Pas vrai? Tout à fait, on va parler d'une initiative du gouvernement qui a été nommée Un fruit pour la récré. La fruit attitude. Donc c'est un peu difficile à comprendre, on va expliquer tout ça bien sûr. Alors la fruit attitude, quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Bah pendant la récré tout simplement, parce que c'est un fruit pour la récré. Ouais. Et la récré, c'est l'abréviation de récréation, la pause que les enfants ont quand ils sont à l'école. Et donc il se déroule entre les cours, et il y en a deux par jour, une durant la matinée et une durant l'après-midi. Voilà. Comme c'est un podcast de niveau média avancé, on va d'abord citer nos sources. Alors pour vous présenter ce sujet qui nous tient à cœur, aujourd'hui on a choisi non pas un article, mais trois articles qui viennent de différentes sources. Alors le premier nous vient du Parisien, qui est un quotidien régional français. C'est le premier quotidien en termes de vente sur la région de Paris-Île-de-France. La deuxième source, c'est Le Monde, qui est également un quotidien français, mais celui-ci est national. Et sa spécificité est que c'est un quotidien du soir. En fait, il paraît l'après-midi et pas le matin, comme la majeure partie des quotidiens. Juste pour le situer, c'est un quotidien plutôt de centre-gauche. Et la toute dernière source, c'est un article qui nous provient du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Voilà, puisque, comme tu l'as dit, c'est une initiative du gouvernement. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec les décrets, les lois, les projets du gouvernement. Moi non plus. Il est intéressant ici de souligner que cette initiative-ci est particulièrement digne d'intérêt. Donc, un fruit pour la récré. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit, comme on l'a dit, d'une initiative lancée par le gouvernement et le but de cette initiative est de permettre de réduire l'obésité et le surpoids chez les enfants en France et surtout de les sensibiliser, en fait, au goût des fruits. Voilà, quelque chose qui s'est perdu, hein. Quelque chose qui s'est vraiment perdu. On voit dans l'article du Parisien que les enfants de nos jours mangent 4 fois moins de fruits, consomment 4 fois moins de fruits que leurs grands-parents. C'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et puis, les enfants, comment dire, ils préfèrent les carrés de chocolat, les chips, les... Mais moi, j'étais comme ça aussi, hein. Tout à fait. Mais j'aurais aimé qu'on pousse un peu plus parce que maintenant, je réalise que les fruits et les légumes sont bien plus bénéfiques pour ma santé. Et puis, en général, c'est quand on est petit qu'on commence à vraiment prendre des habitudes. Des mauvaises habitudes aussi. C'est plus facile, en fait, de s'habituer en tant qu'enfant à manger plus de fruits et de légumes que une fois qu'on est adulte, quand on a, par exemple, 35 ans, qu'on a mangé beaucoup de fast-food tout au long de sa vie. Et là, que tout d'un coup, il faut se mettre aux épinards, aux pommes et aux bananes. Ça fait un changement assez radical. Tout à fait. Alors, les articles provenant des deux quotidiens nous parlent de la visite de deux ministres du gouvernement dans une école. Alors, il y a eu Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, qui était accompagné du ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, pour promouvoir cette initiative. Cette initiative tombe vraiment à pic, étant donné que si on regarde les chiffres qui nous sont donnés par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques en France, en 2003, 9,8% des hommes en France métropolitaine et 10,2% des femmes sont obèses. Donc c'est quand même assez alarmant. Et une enquête nationale qui a été menée en 2003 montre que 19% des enfants français sont touchés par l'obésité ou le surpoids. Ah ouais, c'est en nette augmentation, hein. Et ça n'a que des côtés néfastes. Tout à fait. Alors, les deux ministres ont décidé de faire quelque chose. Bien. De distribuer gratuitement un fruit par enfant par jour dans les écoles. Bon, alors maintenant, j'espère qu'ils vont pas jouer avec. Oui, ils joueront avec, mais peut-être qu'après, ils les mangeront. Ils les mangeront quand même. Ou ils les échangeront. Il y en aura qui préféreront les bananes, qui préféreront les pommes, qui préféreront les pêches. Mais ils échangeront 3 fruits contre un chocolat. Amaury, ils sont pas tous comme toi. Alors. On peut vraiment saluer cette initiative du gouvernement, cette idée. Ça peut faire penser, comme il est dit dans l'article du Monde, au verre de lait, qui était une idée de Pierre Mendès France en 1954. Pierre Mendès France qui était à l'époque président du Conseil. Qui était l'équivalent du président de la République à l'époque. Et en fait, pour lutter contre l'alcoolisme et la dénutrition, il avait proposé de distribuer cette boisson à tous les écoliers. Donc à cette époque-là, Christella, c'est vrai qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des problèmes de malnutrition qui étaient liés aussi au baby-boom de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de naissances qui ont eu lieu dans les 10 ans qui ont suivi la fin de la guerre. Et évidemment, c'était pas une période où le pays était riche. C'était pas une période très faste, non? Non. Et donc, il y avait des problèmes de malnutrition. Et lui, il avait eu cette idée, c'est vrai qu'il est comparable, de donner un verre de lait par jour à chaque élève, quoi, dans les écoles. Donc, évidemment, ici, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette initiative. Cette initiative qui sera d'ailleurs appliquée en tout premier lieu dans les quartiers les plus défavorisés, puisqu'elle sera appliquées dans les écoles qui sont situées dans des zones d'éducation prioritaire. Mais oui, puisque cette chute de la consommation des légumes et des fruits concerne davantage les milieux modestes que les milieux aisés. Oui, et peut-être parce que les parents ne sont pas non plus très sensibilisés au problème, mais aussi, sans doute, parce que certains supermarchés proposent des carrés de chocolat, des barres de chocolat à des prix beaucoup moins élevés que les prix des fruits. C'est ça le problème aussi, c'est que maintenant, on peut avoir des sucreries à des prix qui défient toute concurrence. Oui, et qui sont évidemment moins chers qu'un fruit de qualité. Voilà, donc un parent qui a un budget modeste, quand il va faire les courses pour son enfant, il se dit « Bon, j'aimerais bien que mon enfant ait un petit goûter pour 10 heures. » Lui faire plaisir, c'est normal. Exactement. Et donc, la barre de chocolat est moins chère. Donc, une barre de chocolat. En plus, je suis sûre qu'il sera content. Ouais. Donc c'est tout à fait compréhensible. Donc c'est vraiment une bonne idée que de vouloir diriger en premier lieu cette opération vers les milieux les plus défavorisés en ouais. France. Bon alors là, Christella, on fait des leçons. On dit à tout le monde manger des fruits, manger des légumes. Est-ce qu'on est le meilleur exemple? Je te demande à toi, tiens. Alors moi, mes parents sont un très bon exemple puisque quand j'étais petite, je n'avais pas le droit de manger des sucreries. Ah bon? Non. Ils étaient stricts? Oui, assez stricts. C'était seulement pour Noël. Bien. Où on faisait la fête. Alors là, chocolat. mais en général, c'était pour le goûter. Ils voulaient vraiment qu'on mange des fruits. Donc c'était vraiment ça. Juste, bon, après j'ai commencé à aller au collège, avoir un petit peu d'argent de poche. Et là, moi qui n'avais pas de bonbons pendant toute mon enfance, Tu étais lâchée. Voilà, je me suis lâchée. J'en ai acheté beaucoup. Mais j'ai toujours eu cette habitude de manger des fruits. Et quand je ne mange pas pendant un certain temps, ça manque. Je me dis, oh, j'ai envie d'une pomme, j'ai envie d'un fruit. Évidemment, il est normal à un moment d'être tenté par l'interdit. Mais par contre, je suis persuadée. Surtout à l'adolescence. Par contre, quand tu as une éducation comme celle que tu viens d'expliquer, je suis sûr qu'elle t'accompagne tout au long de ta vie. Oui. Et que comme tu le dis, tu auras besoin de manger des fruits à un moment ou à un autre parce que ton organisme a été habitué. T'as une espèce de culture alimentaire qui est ancrée en toi. Tout à fait. Et aussi, je pense vraiment que c'est quand on est enfant qu'on développe les différents goûts, ce qui est le sucré, le salé, l'amer, l'acide. Et quand on est petit, un enfant qui est petit et qui a toujours été habitué à manger du chocolat ou des bonbons pensera que ce qui est sucré, ça doit avoir ce niveau de sucre-là. Et il pensera sans doute, après avoir mangé autant de bonbons et de chocolat, que quand il mange une pomme, ça a pas de goût. Ouais. Ça n'a pas de sucre. Alors qu'un enfant qui a été habitué à manger des fruits et qui, par exemple, à l'âge de 12 ans, commencera à manger des bonbons, il croira « Ah, c'est vraiment très sucré ouais. ». Je pense qu'il est question de commencer très tôt et d'éduquer les enfants à ce qu'est le sucré, à ce qu'est le trop sucré, à ce qu'est le nutritif, le trop nutritif, le pas assez nutritif. Là, tout ce qu'on fait, c'est suivre la position de tous les dentistes, de tous les médecins. On est en train de dire exactement la même chose. En tout cas, mon dentiste, mon médecin, continuait à me dire « Amaury, mange des fruits, mange des légumes. » Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais il y a toujours un décalage entre « Je sais que mon dentiste a raison » et « Bon, je vais vraiment le faire. » Mais en tout cas, chers auditeurs, Christella en est la preuve vivante. Elle a une dentition parfaite et elle est loin de souffrir de problèmes d'obésité. Merci. Je me sens toute gênée là maintenant. Mais en tout cas, on espère que... Que le message est passé. Que le message est passé, que vous aussi, vous avez pu vous faire votre propre avis sur cette initiative du gouvernement français. Oui, et que la prochaine fois que vous aurez l'opportunité d'acheter un fruit ou bien une barre de chocolat... La prochaine fois que vous aurez le choix, que vous ferez le bon choix. Ouais. D'autant plus si c'est pour un enfant. Surtout si c'est pour un enfant, oui. Il paraît même d'ailleurs que ce projet va être étendu au centre aéré et au centre de loisirs. D'accord. Donc ce sera pas seulement dans les écoles, si vraiment le projet se révèle être efficace. Donc pendant les périodes de vacances aussi, ou le mercredi après-midi quand ils vont jouer avec leurs petits camarades. Voilà. Donc vraiment, on ne peut que saluer cette initiative du gouvernement. Et vous dire à très bientôt. N'oublions pas quand même frenchpod.com, où vous pouvez venir laisser vos commentaires, tout type de suggestions. Et surtout, si vous voulez obtenir les liens vers les différents articles, les différentes sources qu'on a utilisées pour ce podcast. Sur la page de discussion qui se trouve sur frenchpod.com. Sur ce, on vous dit à bientôt. À très bientôt, merci à tous. Salut tout le monde.